Chapitre 3e. Chez les dames de la poste, la vie était d'une régularité claustrale. À 6 heures, la cloche de l'église sonnait l'Angélus, et les deux chiens loups de l'épicier d'en face, sur les nerfs desquels ce tintement grêle agissait sans doute d'une façon spéciale, y répondaient invariablement par des glapissements furieux. Peu à peu le village s'éveillait. Le marteau du ferblantier recommençait à battre précipitamment les bandes de métal qui reluisaient au soleil. Dans la rue des fermiers, les vaches, franchissant d'un saut les portes charretières, se rassemblaient en mugissant au son de la corne du pâtre. Les facteurs ruraux, avec leurs collets rouges dépassant l'encolure de la blouse bleue et leurs rouseaux de toile aux jambes, devisaient, le bâton à la main, devant les fenêtres du bureau, en attendant le courrier qui arrivait à 7 heures au trot de ses 3 chevaux, dont les grelots retentissaient de très loin. Mademoiselle Mélanie Chenu descendait alors au bureau en camisole du matin, la tête encapuchonnée à cause des courants d'air. Elle triait les dépêches et les distribuait aux piétons en assaisonnant ses distributions de recommandations formulées d'une voix revêche. Il y a des vases dans lesquels les liqueurs les plus douces s'aigrissent. La personne de Mademoiselle Mélanie avait la même propriété. Sa dévotion était intolérante et elle avait le don de la rendre intolérable au prochain. On eût dit qu'au fond de sa conscience moisissait un vieux remords dont l'âcreté donnait de l'amertume à tout ce qui sortait de l'âme de cette vieille fille. Ceux qui l'avaient connue jeune et assez jolie prétendaient que sa jeunesse n'avait pas été aussi austère que sa maturité. On jasait tout bas, à huis clos, d'une certaine phase de sa vie qui restait enveloppée de mystères et qui, au dire des mauvaises langues, cachait quelques gros péchés. Actuellement, la receveuse des postes n'avait plus qu'une préoccupation, faire son salut, et pour gagner le paradis dans l'autre monde, elle s'évertuait à transformer celui-ci en purgatoire pour son entourage. Mademoiselle Victoire, sa cadette, était dévote aussi, mais d'une dévotion plus onctueuse et moins détachée des préoccupations mondaines. Bien qu'elle frisât la quarantaine, elle n'avait pas encore renoncé à l'espoir de trouver un mari. Elle se mettait en frais de toilette, et se forgeait en imagination de chimériques amours dont elle associait les fantômes à ses méditations pieuses. En attendant qu'elle trouvât un époux selon la chair, elle offrait le trop-plein de son cœur à l'époux mystique de l'imitation. C'était elle qui se chargeait de décorer l'autel de la Vierge. Elle l'ornait de roses blanches et de fleurs d'oranger, comme s'il se fût agi de le parer pour ses propres noces. Elle possédait encore un joli filet de voix flûté, et elle dirigeait le chœur des congréganistes pendant le mois de Marie. Le matin, tandis que Mélanie vaquait à ses écritures, la grosse Victoire en papillote et en caracotte de basin s'occupait du ménage. Tout en tracassant par la cuisine, elle songeait aux rêves tumultueux de la nuit passée, à la dernière visite du juge de paix, à la probabilité d'amener ce sauvage célibataire à s'engager dans les sanneux du mariage. Alors sa poitrine se gonflait. Des soupirs lui montaient aux lèvres, et prise tout d'un coup d'un besoin d'effusion, elle entonnait d'une voix roucoulante, qu'on entendait du fond des jardins de l'abbatiale, ses couplets de son cantique de prédilection. « Auteur souverain de mon être, à toi je veux me consacrer. Trop tard j'appris à te connaître, trop tard j'appris à t'adorer. Ô Jésus, tu veux que je t'aime, découvre-moi ton divin cœur, et dans le mien, beauté suprême, naîtront l'amour et le bonheur. » Au son de cette pieuse et langoureuse mélodie, que Victoire modulait avec des élans attendris et des roulements d'yeux, un gros chat noir et blanc, que la vieille fille avait baptisé du nom d'Arthur, descendait du dressoir et venait se frôler aux jupes de sa maîtresse. Il se vautrait à ses pieds, s'étirant béatement, le corps tout agité de frissons électriques, comme s'il subissait à son tour l'influence de cette musique mystiquement sensuelle. À midi, on dînait. L'après-dîner était consacré à de longues stations à l'église, à du mystérieux colloque dans la sacristie avec la sœur du curé, à de pieux raccommodages d'aube et de devant d'autel. Le soir, on préparait les paquets pour le départ du courrier, puis on soupait sobrement d'un plat froid et d'une salade. Les rumeurs du village s'assoupissaient, et dans le silence de la nuit, on entendait soudain un frais bouillonnement d'eau au fond des jardins. C'était le bruit des vannes du moulin que levait Paul, le meunier, et c'était aussi le signal du coucher. Mademoiselle Mélanie allait s'agenouiller sur son prie-Dieu. Mademoiselle Victoire gagnait son lit où elle retrouvait les rêves agités des nuits précédentes et le lendemain, la journée recommençait identiquement semblable. Ainsi s'écoulait cette existence monotone qu'Aimé avait été conviée à partager. En consentant à se charger d'elle, les demoiselles Chenu avaient moins obéi à un mouvement d'humanité chrétienne qu'à des considérations purement intéressées. D'abord, le notaire de Marly ayant écrit au maire pour obtenir des renseignements, l'histoire de la pénible situation de leur nièce avait été divulguée dans le pays, et les deux dévotes s'étaient trouvées obligées de faire quelque chose pour Aimé, sous peine de se mettre en désaccord flagrant avec leurs principes de charité. Puis elles s'étaient dit qu'Aimé les aiderait dans leurs écritures et pourrait remplacer avantageusement l'auxiliaire que l'administration leur refusait depuis 5 ans. Dès son arrivée, la jeune fille fut initiée par Mélanie au secret de la manutention postale. La pauvre enfant, habituée à la douce vie confortable de la maison de Marly, n'eut plus une minute de repos. De la fenêtre poudreuse du bureau, elle voyait au loin les grands bois qui environnent Aubrive d'une triple ceinture. Elle les regardait mélancoliquement, de l'air de mignon regrettant la patrie. Jamais de promenade, jamais une échappée de course en pleine nature. Les deux demoiselles Chenu détestaient la marche, et d'ailleurs, à Aubrive, ce n'était pas l'usage de se promener dans les bois. La seule distraction d'Aimé était la conversation de Victoire. Celle-ci, plus ouverte et plus familière que son aînée, montrait une certaine amitié à cette nouvelle venue, qu'elle traitait en camarade et avec qui elle jouait à la jeune. Elle lui confiait ses vagues espérances amoureuses, sans crainte d'être raillée ou rabrouée, comme cela lui arrivait d'ordinaire avec l'austère Mélanie. Elle l'emmenait dans une chambre haute que la jeune fille affectionnait, parce que sa mère l'avait habitée autrefois. Là, Mademoiselle Victoire s'épanchait. Elle confia à Aimé ses émotions quand le juge de paix apportait ses paquets au guichet et qu'elle se trouvait par hasard seule avec lui. Elle déplorait naïvement que ce célibataire de 45 ans n'eût d'autre passion que la chasse. 2 fois par semaine, le juge et le curé venaient à la poste faire la partie de nain jaune. Et c'était le lendemain pour Mademoiselle Victoire, une source de commentaires prolixes sur la façon dont le juge s'était comporté et sur ses distractions au jeu. Parfois, la vieille fille fouillait dans ses souvenirs de jeunesse et dans ses retours vers le temps passé, aimait retrouver avec bonheur un écho de l'adolescence de sa mère. Ce n'était qu'avec Victoire qu'elle pouvait se hasarder à parler de la morte, car Mademoiselle Mélanie affectait de ne jamais prononcer le nom de la malheureuse qui avait compromis la famille en montant sur les planches. Tout ce qui rappelait la faute de sa sœur Coralie avait le don d'exaspérer l'humeur acerbe de Mélanie. Et comme Aimé était le vivant souvenir de cette faute, l'impitoyable dévote ne lui ménageait pas les duretés. Dès les premières semaines, elle s'était offusquée de voir Aimé porter le deuil de M. de Rouvre. Un dimanche, elle lui dit de sa voix aigre « Il faudrait pourtant, ma nièce, renoncer à ces vêtements noirs que vous êtes allée avec trop d'ostentation. Ce matin, pendant la sainte messe, quelqu'un m'a demandé de qui vous étiez en deuil et j'étais fort embarrassée. » « C'était bien simple, » répondit Aimé, « il fallait répondre que je suis en deuil de mon père adoptif. »« J'ai jugé inutile de faire connaître cela à tout le pays, et si vous m'en croyez, vous éviterez de vous afficher de la sorte. Il y a des deuils qu'il faut porter dans le cœur, et non extérieurement. » Personne ne peut se choquer de me voir honorer la mémoire de l'homme qui m'a élevé et protégé. Belle protection que celle d'un dissipé et d'un libertin. Je vous défends de mal parler de mon père. » s'écria Aimé en dévisageant la dévote et en dardant entre ses paupières mi-closes un regard plein de colère. « Fille !» dit Mademoiselle Mélanie en baissant les yeux. « Ne vous emportez donc pas. La colère est un péché capital, et c'est chez vous malheureusement un péché originel. Ah, voilà bien le sang des filles Noël, et vous avez hérité du vilain caractère de ces gens-là. Il faudra vous dompter, ma fille. » Quand elle se retrouva seule avec Victoire, Aimé lui demanda. « Que veut dire ma tante avec ce sang des filles Noël qu'elle me jette à la tête comme un reproche ?»« Ma chère, » répondit la vieille fille, « fille Noël est le nom de ta grand-mère Sylvine. C'était la fille d'un charbonnier, une sauvage, que mon pauvre père avait connue à la chasse et qu'il avait épousée pour sa beauté. On ne voit plus maintenant de ces passions-là. Le mariage eut lieu contre le gré de notre famille et mon père ne tarda pas à s'en repentir. Ta grand-mère avait les goûts bizarres des gens qui l'avaient élevée, une façon de vivre excentrique, et un caractère emporté jusqu'à la violence. Elle est morte quand j'étais encore enfant. Elle n'a guère été regrettée. Est-ce vrai, ma tante, que je lui ressemble? Mélanie prétend que oui, et c'est tant pis, ma chère. Avons-nous encore des parents du côté de ma mère? Oui, il y a dans un coin des bois d'Amoret Denis Finoël, qui est le propre frère de ton aïeul. Mais il doit être fort vieux maintenant, et tu penses bien que nous n'avons pas cultivé sa connaissance. Ce Finoël est la bête noire de ma sœur Mélanie. » À la suite de cette conversation, Aimée resta silencieuse, et le soir la surprit méditant sur les dernières confidences de Mademoiselle Victoire. L'histoire de cette Sylvine Finoël lui avait fait une impression profonde. Elle se sentait attirée par une secrète sympathie pour cette aïeule à laquelle elle ressemblait. Penchée à l'étroite fenêtre de la petite chambre qu'on lui avait aménagée à côté de la cuisine, elle regardait le crépuscule tomber sur les grandes futaies sombres des bois d'Aubrive et se disait qu'elle voudrait bien connaître ce Denis Finoël tant détesté par Mélanie. La forêt, veuve de ses feuilles, s'enlevait en masse d'un violet noir sur le ciel éclairé par les mourantes lueurs d'un soleil d'hiver. À la lisière, une dizaine de trembles détachaient leurs fûts blanchâtres sur le fond mystérieux des bois. Entre ces derniers arbres et les premières maisons du village, des corbeaux volaient en tournoyant au-dessus des champs de blé vert. Les regards de la jeune fille se promenaient avidement sur la confuse étendue de cette forêt si voisine qu'elle n'avait jamais visitée. Ils en suivaient les contours adoucis par le crépuscule. Ils se plongeaient dans les entonnoirs des combes. Ils remontaient le long des tranchées dont les percées rectilignes ouvraient comme des brèches dans la ligne de l'horizon. Aimée se sentait attirée vers la forêt par le charme des choses inconnues et défendues. Et le vieux sang forestier des Finoël fermentait dans ses veines comme la sève qui s'éveille dans les arbres au premier soleil de février.